Averroès et l'averroïsme. Première partie. Chapitre 1er. Vie et ouvrage d'Averroès. Coup d'œil sur les fortunes diverses de la philosophie, dans l'Espagne arabe avant Ibn Roche. La vie d'Averroès occupe la durée presque entière du XIIe siècle, et se lie à tous les événements de cette époque décisive dans l'histoire de la civilisation musulmane. Le XIIe siècle vit définitivement échouer la tentative des Abbasides d'Orient et des Omeyyades d'Espagne pour créer dans l'islamisme un développement rationnel et scientifique. Quand Averroès mourut, en 1198, la philosophie arabe perdit en lui son dernier représentant, et le triomphe du Coran sur la libre pensée fut assuré pour au moins 600 ans. Par les malheurs de sa vie et par la réputation dont il jouit après sa mort, Averroès participa aux inconvénients et aux bénéfices d'une telle situation. Venu après une époque de grande culture intellectuelle, au moment où cette culture s'affaissait pour ainsi dire sur elle-même, si les malheurs de sa vieillesse attestent le discrédit où était tombée la cause qu'il défendait, par une heureuse compensation, il recueillit presque seule la gloire des travaux qu'il n'avait guère fait que présenter dans leur ensemble. Averroès est en quelque sorte le Boès de la philosophie arabe, un de ses derniers venus, compensant par le caractère encyclopédique de leurs œuvres ce qui leur manque en originalité, discutant, commentant, parce qu'il est trop tard pour créer. Dernier soutien en un mot d'une civilisation qui s'écroule, mais, par une fortune inespérée, voyant leur nom s'attacher aux débris de la culture qu'ils ont résumée, et leurs écrits devenir la formule abrégée par laquelle cette culture entre pour sa part dans l'œuvre commune de l'esprit humain. La philosophie arabe espagnole comptait à peine 2 siècles d'existence, lorsqu'elle se vit brusquement arrêtée par le fanatisme religieux, les bouleversements politiques, les invasions étrangères. Le calife Hakem II, au Xe siècle, eut la gloire d'ouvrir cette brillante série d'études, qui, par l'influence qu'elle a exercée sur l'Europe chrétienne, tient une place si importante dans l'histoire de la civilisation. L'Andalousie, disent les historiens musulmans, devint sous son règne un grand marché où les productions littéraires des différents climats étaient immédiatement apportées. Confère Pascual de Gayangos. Les livres composés en Perse et en Syrie étaient souvent connus en Espagne avant de l'être en Orient. Hakem envoya 1000 dinars de pur or à Abul Faraj el-Isfahani pour avoir le premier exemplaire de sa célèbre anthologie, et, en effet, ce bel ouvrage fut lu dans l'Andalousie avant de l'être dans l'Irak. Il entretenait au Caire, à Bagdad, à Damas, à Alexandrie, des agents chargés de lui procurer, à quelque prix que ce fût, les ouvrages de sciences anciennes et modernes. Son palais devint un atelier où l'on ne rencontrait que copistes, relieurs, enlumineurs. Le catalogue de sa bibliothèque formait à lui seul 44 volumes, Conferdosi, et encore n'y trouvait-on que le titre de chaque livre. Quelques écrivains racontent que le nombre des volumes montait à 400 000, et que pour les transporter d'un local à un autre, il ne fallait pas moins de 6 mois. Hakem, d'ailleurs, était profondément versé dans la science de la généalogie et de la biographie. Il n'y avait livre qu'il ne lût, puis il écrivait sur des feuilles volantes le nom, le surnom, le nom patronymique de l'auteur, sa tribu, sa famille, l'année de sa naissance et de sa mort, et les anecdotes qui couraient sur son compte. Il passait son temps à en causer avec les lettrés qui accouraient à sa cour de toutes les parties du monde musulman. Les Arabes d'Andalousie, même avant Hakem, s'étaient sentis portés vers les études libérales, soit par l'influence de ce beau climat, soit par leur rapport continuel avec les Juifs et les chrétiens. Les efforts de Hakem, secondés par des dispositions si favorables, développèrent un des mouvements littéraires les plus brillants du Moyen Âge. Le goût de la science et des belles choses avait établi au Xe siècle, dans ce coin privilégié du monde, une tolérance dont les temps modernes peuvent à peine nous offrir un exemple. Chrétiens, juifs, musulmans parlaient la même langue, chantaient les mêmes poésies, participaient aux mêmes études littéraires et scientifiques. Toutes les barrières qui séparent les hommes étaient tombées, tous travaillaient d'un même accord à l'œuvre de la civilisation commune. Les mosquées de Cordoue, où les étudiants se comptaient par milliers, devinrent des centres actifs d'études philosophiques et scientifiques. Mais la cause fatale qui a étouffé chez les musulmans les plus beaux germes de développement intellectuel, le fanatisme religieux, préparait déjà la ruine de l'œuvre de Hakem. Les théologiens d'Orient avaient élevé des doutes sérieux sur le salut du calife Mamoun, parce qu'il avait troublé la piété musulmane par l'introduction de la philosophie grecque. Note. Les malheurs qui lui arrivèrent furent considérés comme une punition de son attachement à la philosophie. Confère Abulfeda et Gayango. Les rigoristes d'Espagne ne se montrèrent pas moins sévères. Le Hadjib al-Mansour, ayant usurpé le pouvoir sur le faible Hicham, fils de Hakem, comprit que tout lui serait pardonné s'il voulait satisfaire l'antipathie instinctive des imams et du peuple contre les études rationnelles. Il fit donc rechercher dans la bibliothèque recueillie si curieusement par Hakem les ouvrages traitant de philosophie, d'astronomie et des autres sciences cultivées par les anciens. Tous furent brûlés sur les places publiques de Cordoue, ou jetés dans les puits et les citernes du palais. On ne garda que les livres de théologie, de grammaire et de médecine. Cette action d'Al-Mansour, dit l'historien Saïd de Tolède, a été attribué par les chroniqueurs du temps, au désir de gagner de la popularité parmi la multitude, et de trouver moins d'opposition, en jetant une sorte de flétrissure sur la mémoire du calife Hakem, dont il cherchait à usurper le trône. Nous verrons en effet combien les philosophes étaient peu populaires en Andalousie. Le peuple n'a jamais aimé les sages, il supporte plus difficilement encore l'aristocratie de la raison que celle de la naissance et de la fortune. À partir de l'édit d'Al-Mansour, la philosophie ne jouit plus que de courts intervalles de liberté, et fut, à diverses reprises, l'objet d'une persécution ouverte. Ceux qui s'y livraient se virent déclarés impies par les chefs de la loi, et les savants furent plus d'une fois obligés de cacher leur science, même à leurs plus intimes amis, de peur de se voir dénoncés et condamnés comme hérétiques. Les bouleversements dont l'Espagne musulmane fut le théâtre au XIe siècle achevèrent de compromettre l'œuvre civilisatrice des hommes et l'Iliade. Cordoue, le centre des bonnes études, fut saccagé, le palais des califes renversé, les collections détruites. Les restes de la bibliothèque de Hakem furent vendus à vil prix et dispersés dans le pays. Saïd dit en avoir vu plusieurs volumes à Tolède, et avoue que ce qu'il contenait aurait dû les faire brûler, si les recherches faites sous Al-Mansour avaient été conduites avec autant d'intelligence que de passion. La philosophie avait pourtant des racines si profondes dans ce beau pays, que tous les efforts tentés pour la détruire ne servaient qu'à la faire revivre. Saïd nous atteste que, de son temps, 1068, les études relatives aux sciences anciennes étaient aussi florissantes qu'elles l'avaient jamais été, bien que quelques rois les eussent encore en aversion et que l'obligation de partir chaque année pour la guerre sainte fût fort préjudiciable aux méditations des philosophes. Certains princes se montraient même favorables à la libre pensée ou du moins tolérants. L'expérience a prouvé que la philosophie n'a besoin ni de protection ni de faveur, elle ne demande permission à personne et ne reçoit les ordres de personne. C'est le plus spontané de tous les produits de la conscience humaine. L'âge d'or du règne de Hakem n'a légué à l'histoire aucun nom illustre, harcelé par le fanatisme, Avempas, Abu Bakr, Avant Zohar, Averroès, au contraire, ont vu leurs noms et leurs œuvres entrer dans le courant de la vie européenne, c'est-à-dire de la véritable vie de l'humanité. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.